On a confisqué ton vélo, tu sais. On a saisi ta pornographie et... Tout est cédé. Ta musique. Et on s'est à au corps. Écoute.